Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis toute seule, je n'ai pas d'invité. C'est un peu compréhensible parce que la mise en route est un peu difficile pour second semestre et aucun étudiant français n'était encore préparé pour venir avec moi. Donc, c'est pas grave, je vais rester avec vous et c'est un grand plaisir pour moi. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai toujours dit que je ne voulais pas parler de sujets tristes pendant ce programme, mais aujourd'hui, je vais vous parler quand même de quelque chose qui est un petit peu triste. Je vais vous parler des Landes. Vous allez me dire, mais les Landes, c'est pas triste en soi. Non, bien sûr, ce n'est pas triste en soi. Mais ces derniers temps, nous avons été très, très éprouvés dans les Landes. Vous savez que les Landes, c'est un petit peu mon pays aussi. Je vous ai déjà, un jour, je vous ai raconté que ma famille était originaire du Sud-Ouest. Et le Sud-Ouest, c'est à la fois les Landes, le Pays Basque, bien sûr, et aussi le Béarn. Le Béarn, c'est une partie de moi, et les Landes, c'est l'autre partie de moi. Les dernières nouvelles, eh bien, qu'est-ce qu'on a lu, par exemple? El temporal del fin de semana se cebó con los pinares de las Landas, en Francia. Las fuertes rachas de viento arrasaron 300.000 hectáreas de masa forestal, lo que supone un 60% de la masa forestal landesa. Pero no todo fueron daños materiales. 4 personas perdieron la vida tras sufrir diferentes accidentes provocados por las inclemencias. Eh bien oui, c'était un petit peu triste les Landes. Mais on va quand même en parler d'une façon plus neutre, plus gaie peut-être. Bon, on va d'abord essayer de situer les Landes sur la carte. Las Landas, je suis allée sur Internet, bien sûr, Internet en français et Internet en espagnol, et on nous dit « Las Landas constituyen una región paisajística muy peculiar ubicada en el sur de la costa oeste de Francia ». Alors, il y a une petite phrase après qui dit « Esta zona comienza prácticamente en la frontera con España y se extiende hacia el norte hasta la desembocadura del río Garona ». Bon, alors c'est vrai et c'est pas vrai, parce que quand même les Landes, ça ne commence pas à la frontière avec l'Espagne, non. Ce qui touche la frontière de l'Espagne, c'est le Pays Basque, puisque vous le savez, le Pays Basque se répartit sur les deux pays. Vous avez 3 provinces basques plus la Navarre en Espagne et 3 provinces basques en France, la Soule, le Labour et la Basse Navarre. Donc, en fait, là, le Pays Basque se situe entre la frontière et, justement, les Landes. Bon, alors, les Landes, on peut se demander, las Landas, ¿qué es un departamento o es un macizo forestal? Bon, eh bien, on va dire que ce sont les deux choses. Le découpage administratif de la France ne tient pas toujours compte de l'unicité des territoires. Et je m'explique. Quand vous dites les Landes, es decir, el departamento que lleva el número 40, eh bien, les Landes, elles ont une forme un petit peu triangulaire et elles sont situées entre deux autres départements, au sud, les Pyrénées-Atlantiques et au nord, la Gironde. La Gironde, quand on dit Gironde, on pense Bordeaux. Et quand on pense Bordeaux, on pense vin. Oui, c'est vrai, mais une grosse partie du département de la Gironde, c'est-à-dire celle qui se trouve contre la mer, entre l'estuaire Bordeaux et la mer. Vous avez là un triangle qui fait l'estuaire Bordeaux et Arcachon. En gros, eh bien là, vous avez toute une partie boisée qui est une partie de Landes. Bon. Et puis, plus à l'ouest, il y a une autre partie de Landes qui prend le département du Lot-et-Garonne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle les Landes, comme département, c'est une chose, et les Landes, comme massif forestier, c'est autre chose. C'est donc le département des Landes, une grosse partie des Lot-et-Garonne et au moins la moitié de la Gascogne. Ce massif a une forme triangulaire. C'est la forme que nous lui connaissons de nos jours, même si ce massif forestier n'a pas toujours eu cette même présentation. Alors, je ris. Estuve mirando anuncios inmobiliarios y vi. Estás en el País Vasco. País Vasco francés, 2 puntos. Casa de alquiler en las Landas. Punto y coma. Alquiler Mimizan, Francia. Et ça me fait bien rire, parce que Mimizan, c'est en plein dans les Landes. C'est sur la côte, au sud de l'étang de Biscarros, bien au nord de Osgore, et c'est vraiment les Landes, c'est en plein dans les Landes. Alors pour dire que ça se trouve dans le Pays basque français, ben écoutez, non, mon œil, c'est pas vrai du tout, du tout. Bon, donc il y a des idées un petit peu curieuses sur la configuration des Landes. Mais ce qui s'est passé dans les Landes et ces temporales tan duro que hemos padecido, eh bien, il y a 15 ans, nous en avons eu un autre très fort. Nous en avons assez souvent en réalité. Hein, j'ai trouvé un petit entrefilet dans un journal espagnol qui disait « Le temporal más devastador de la última década en Francia ha asolado el 60% de los bosques del departamento de las Landas y la Gironda en el suroeste del país. Afortunadamente, dice Sarkozy, gracias a la dedicación estupenda de todos, solo tenemos que deplorar la muerte de 4 personas. Una tragedia, claro, pero nada comparable con las 92 víctimas que hubo en 92. » C'est-à-dire que, en fait, cette zone, c'est une zone extrêmement exposée au vent, puisqu'elle est au bord de la mer, elle reçoit le vent directement, et il s'agit d'une côte très basse, une côte de sable, qui fait que, dès que le vent souffle, eh bien, c'est quelque chose d'absolument terrible. Ce département, il est connu pour des raisons touristiques. Maintenant, il est très à la mode d'avoir une maison dans les Landes. Tout le monde connaît les Landes actuellement, c'est-à-dire un massif boisé avec de très très jolies maisons, style landais, style basque-landais. Tout le monde connaît ça. Mais je voudrais tout de même vous parler de ces Landes forestières qui n'ont pas toujours existé, mais qui sont tout de même très caractéristiques de cette zone. Il faut savoir que Avant la Révolution, à la fin du XVIIIe siècle, les Landes étaient une zone de marécage. C'était un grand, grand triangle insalubre sur lequel ne vivaient que des animaux sauvages. Le boisement n'était pas systématique et disons que les sols étaient essentiellement des sols sableux. C'est-à-dire que la forêt de pins telle que nous la connaissons aujourd'hui ne couvrait que 200 000 hectares, ce qui est déjà pas mal, mais c'est tout de même beaucoup moins que ce que nous connaissons de nos jours. Et sous Napoléon III, l'idée est venue de reboiser systématiquement cette zone et on a découvert que tout ne poussait pas dans les Landes parce que le sol est trop sablonneux pour recevoir un certain nombre d'essences, d'arbres. Donc, on a découvert que ce qui poussait le mieux, c'était ce qu'on appelle une variété de pin, qu'on appelle le pin maritime. Donc, la majeure partie des sols landais sont couverts de pin maritime. Ce pin maritime, il a servi pendant de très très nombreuses années, jusqu'au milieu du 19e siècle, et je m'en souviens parfaitement, la forêt landaise était exploitée pour le bois d'une part et pour la résine des pins d'autre part. C'était des régions extrêmement pauvres, marécageuses, nues, qui finalement donnaient quand même un résultat économique assez intéressant, même si c'était bien moins utile du point de vue économique que les grandes plaines fertiles que nous avons dans le nord du pays. Bon. Du coup, il y avait des figures typiques que nous connaissions bien, qui étaient la figure de l'échassier. Alors l'échassier, c'est le berger qui conduisait ses brebis, parce que la région est une zone de pâturage. Donc, en fait, l'échassier, c'était le grand ami du landais. C'était le berger qui se protégeait de toutes les bêtes qui pouvaient se trouver dans les Landes et qui pouvaient le piquer. Donc, on connaissait tous les échassiers landais. Bon, on va écouter un petit peu de musique. On va changer un petit peu. Et puis, je continue à vous parler des Landes après. Allez, à tout de suite. Je t'aimais tant, Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant, Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux toujours danser. Carnaval à Rio, tu ne peux rien changer. Je suis mort à Paris, il y a longtemps déjà. Il y a longtemps d'ennui, il y a longtemps de toi. je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux toujours chanter. Carnaval à Rio, tu n'y peux rien changer. Je suis mort à Paris, tombé au champ d'amour pour un prénom de fille qui m'avait dit toujours. Je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux toujours tourner. Carnaval à Rio, tu n'y peux rien changer. Je suis mort à Paris, de m'être trop trompé, de m'être trop meurtri, de m'être trop donné. Je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux me bousculer. Carnaval à Rio, tu n'y peux rien changer. Je suis mort à Paris, fusillé par une fleur au poteau de son lit, de 12 rires dans le cœur. Je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux toujours crier. Carnaval à Rio, tu n'y peux rien changer. Je suis mort à Paris, il y a mille soirs, il y a mille nuits, il n'y a plus d'espoir. Je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux bien me saouler. Carnaval à Rio, tu n'y peux rien changer. Je suis mort à Paris que j'enterre, et depuis mille nuits, dans le fond de mon frère. Je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant, je t'aimais tant Clara, je t'aimais tant. Carnaval à Rio, tu peux carnavaler. Carnaval à Rio, tu n'y peux rien changer. Je suis mort à Paris, que la mort me console. Allez, nous allons laisser Rio, cette jolie Clara, et nous revenons un petit peu dans les Landes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de la forêt landaise? Que la, el bosque de la, las Landas es en 95% privado. Eso hay que saberlo también. Pertenece a particulares. Entonces es una enorme pérdida económica porque hay que pensar que el bosque, c'est une récolte tous les 40 ans. Un pin, ça met 40 ans à pousser en gros et parfois plus dans certaines zones des Landes qui sont pauvres. Donc c'est un investissement sur du très long terme. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer du point de vue économique? Eh bien, nous allons avoir pléthore de bois, donc chute des cours du bois. Donc nous allons avoir vente à perte et une situation dramatique pour les petits investisseurs. Alors nous avions déjà la crise et nous avons encore une surcrise. Désolant. Mais bon, que faire? Et cette forêt qui est si aimable, dans laquelle on peut faire des belles promenades, des jolies excursions. Les Landes, c'est un parc naturel qui a été créé en 1976. Eh bien, ce parc naturel, actuellement, il est dangereux. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il est tout plein d'animaux qui sont dérangés dans leur hibernation. Los animales se vuelven agresivos. Voilà, les animaux ont pris peur, ils ont entendu des choses anormales, ils ont vu des gens qui ont essayé de voir leur bois. Donc les forêts sont devenues dangereuses, c'est triste. Bon, mais que faire? On espère que quand le beau temps reviendra, on pourra aller de nouveau se promener dans les Landes, suivre les chemins de randonnée pédestre, c'est magnifique. Aller se promener sur la dune du Pila. C'est encore plus beau. Hein. Donc, je vous recommande les Landes. Quand nous aurons fini de tout nettoyer, quand nous aurons bien arrangé notre massif landais, eh ben, j'espère que ça sera de nouveau tout joli et que nous serons là pour vous accueillir, les visiteurs. J'espère que vous viendrez nombreux. Allez, au revoir, à la prochaine fois.